frère est venu vous défier sur le thème qui n'osera jamais taquiner sur la Shoah, et vous avez écrit « Regardez-nous les Juifs, ce qu'on a réussi à faire avec notre Shoah. » Ah, j'ai dit ça une arménienne. « On l'a vendu partout, on est couvert d'argent, on est vraiment plus fort que vous. » Révisionniste, Shoah business sub-extrémiste. Révisionniste, osons enfin ouvrir nos gueules. Révisionniste, même s'il nous faut finir en tôle. Révisionniste, il faut abattre ce mensonge. Révisionniste, nous sommes des milliers à ne plus croire. Révisionniste, à l'existence de la Shoah. Révisionniste, je ne fais que crier bien haut. Révisionniste, ce que tout le monde pensait tout bas. Tous ces juifs extrémistes, mec, ont la main mise sur la France. Tous n'ont qu'un projet politique portant le nom de sionisme. L'extermination est un mythe, mec, qui leur a servi de fondement. L'existence d'Israël est basée sur un mensonge sur terre. Il y a différents peuples, ouais, il y a des peuples qui pleurent leur mort et qui les vengent. Quand il y en a d'autres qui les inventent et qui les vendent, mais bon sang, les sionistes sont fêlés, ils se foutent de la vérité. Il est grand temps de se réveiller. Cesse de te faire manipuler, mec, y'a que la merde à la télé. Et va plutôt télécharger le bouquin de Paul Racine. Et regarde les vidéos de Renoir et les vidéos de Forisson, le plus grand mythe de l'histoire. Partout est en train de s'effondrer. Si vous croyez toutes leurs conneries ou si vous vous croyez si malin, essayez donc de comparer les arguments pour et les arguments contre. Et si vous êtes de bonne foi, il ne faudra même pas une soirée pour réaliser qu'un tel génocide est tout simplement impossible. Shoah business sub-extrémiste. Révisionniste, osons enfin ouvrir nos gueules. Révisionniste, même s'il nous faut finir en tôle. Révisionniste, il faut abattre ce mensonge. Révisionniste, nous sommes des milliers à ne plus croire. Révisionniste, que la Shoah a existé. Révisionniste, et je ne fais que crier bien haut. Révisionniste, ce que tout le monde pense tout bas. Le peuple est endormi, mec, et il avale sans faire d'histoire tous les mensonges les plus gros sans se poser aucune question. Les chambres à gaz et les charniers, fours crématoires et ziclombés, toutes ces foutaises sont inventées, utilisées, extrapolées. Si tu crois que les nazis ont tué 6 millions de juifs, tu t'es fait entuber, mec, entuber par les sionistes. Va donc voir leurs chambres à gaz et tu verras que c'est du bidon. On nous a fait croire qu'Adolf Hitler était un monstre sanguinaire, lui qui a réussi en partant de rien à bâtir un empire dans lequel son peuple vivait bien, dans lequel son peuple était fort, la jeunesse était encadrée et les familles favorisées. Que nous reste-t-il aujourd'hui après l'invasion américaine? Pas d'argent, pas d'avenir, pas de travail, pas de fierté. Un gouvernement sioniste et une invasion d'immigrés. N'oublie pas, mon frère, n'oublie jamais que la Shoah est inventée dans un seul but, pour que la race blanche soit à jamais éradiquée. Shoah business sub-extrémiste. Révisionniste, osons enfin ouvrir nos gueules. Révisionniste, même s'il nous faut finir en tôle. Révisionniste, il faut abattre ce mensonge. Révisionniste, nous sommes des milliers à ne plus croire. Révisionniste, que la Shoah a existé. Révisionniste, et je ne fais que crier bien haut. Révisionniste, ce que tout le monde pense tout bas. Vous avez pris le pouvoir, vous les sionistes sournois. Vous condamnez des innocents et vous humiliez notre sang. Ne sentez-vous pas la terre qui gronde comme un profond tremblement? Le tremblement de la haine qui dans nos tripes se déchaîne. Cette terre est la nôtre, oui c'est celle de nos ancêtres. Sachez que tous les empires tombent et que le vôtre est en déclin. J'ai eu déjà l'odeur de vos livres et de vos lois qui brûlent dans cette épaisse fumée noire. Le jour de la révolution, vous nous avez lobotomisés et vous pensiez avoir gagné. Mais quelques historiens acharnés qui furent tant persécutés ont lutté pour la vérité qui est la clé de la liberté. Ils ont touché la jeunesse qui peu à peu s'est enflammée. Plus en plus de jeunes ne croient plus à vos mensonges, même s'ils se cachent, car le système devient féroce parce qu'il est touché en plein cœur. On ne craint plus la répression, nous sommes les héritiers légitimes, nous réclamons notre pays et rien ne pourra nous en empêcher. Shoah business sub-extrémiste. Révisionniste, osons enfin ouvrir nos gueules. Révisionniste, même s'il nous faut finir en tôle. Révisionniste, il faut abattre ce mensonge. Révisionniste, nous sommes des milliers à ne plus croire. Révisionniste, que la Shoah exister. Révisionniste, et je ne fais que crier bien haut. Révisionniste, ce que tout le monde pense tout bas.